Bienvenue à Objectif numérique, épisode numéro 25. Au menu, les objectifs Sigma, le calcul de l'équivalence de l'exposition, l'application mobile Friends Trip et le test du Nokia Lumia 920. On y va tout de suite. Bonjour Christian. Salut Stéphane. Bonjour François. Salut. Et avant de commencer, j'aimerais inviter les auditeurs à nous donner une note sur le site Balado Québec. Je vais mettre le lien exact dans les notes d'épisode, mais le site c'est baladoquebec.ca. Il y a un répertoire de podcasts, donc de balado. Et ça serait bien si les gens pouvaient aller voter un peu pour Objectif numérique. Il y a je crois à peu près une dizaine de votes seulement à date, donc... Juste si c'est des bons votes, par exemple. Oui, rien en bas de 5 sur 5. non, vous votez ce que vous voulez, mais oui. Je présume que si vous écoutez l'émission, bien, ça doit vous intéresser en quelque part. Et donc, on enchaîne avec le premier sujet qui traite des objectifs Sigma. Christian? J'avais déjà parlé un peu de l'objectif, le 35 mm de Sigma. Mm-hmm. Ils en ont un nouveau, encore une fois. Okay. Un peu dans le même style, comme je disais, ils sont en train de se refaire une beauté, qu'on mm-hmm. pourrait dire. Celui-là, c'est un 17-70 à ouverture variable 2.8 à 4. Ce qui est quand même pas si mal, c'est juste un cran. 2.8 à 4, c'est pas trop mal. Je regardais un petit peu les spécifications. Il y en a une critique que j'ai trouvée sur un site, d'ailleurs, si vous voulez aller vérifier, c'est fstoppers.com que j'utilise, que je vais voir souvent, que j'aime bien. Évidemment anglophone, malheureusement, mais bon, on peut pas tout avoir. Mais beaucoup de choses intéressantes. Petite parenthèse. Mm-hmm. C'est ça, non? En tout cas, la personne, comme il dit, en partant, se disait qu'il pouvait pas l'aimer ou presque pas parce que c'est un objectif variable, à ouverture variable et des choses comme ça, mais il a été agréablement surpris du niveau de netteté en mm-hmm. particulier de l'objectif. Ça, ça, c'est comme un bon point, je trouve, franchement. C'est assez important. En effet. Dans le fond, son principal défaut, puis encore une fois, bon, faut pas s'en surprendre, là, c'est que l'objectif, l'extérieur est pas métallique, c'est du plastique. Mm-hmm. Parce que c'est un objectif pas haut de gamme, là, c'est pas une fortune. Fait que c'est sûr et certain qu'on peut pas s'attendre à ce qu'il fasse la même qualité qu'un haut de gamme. Mais d'un autre côté, ça rend les objectifs, ces objectifs-là, plus abordables un peu aussi. Exact, là. Exact. C'est la force de Sigma. Si je peux rajouter, c'est ce qui fait aussi que quand tu l'échappes, comme ça m'est arrivé avec mon objectif Sigma, ce qui fait que c'est moins solide. Oui, exact. En effet. Je vous raconterai ça un jour. Mais t'es pas supposé échapper ça, un objectif. Non. J'avoue, comment que t'as pu échapper ça? Pour faire une longue histoire courte, j'ai un sac de transport, un sac à dos, puis il s'ouvre dans le centre. T'sais, c'est une espèce de sac qui s'ouvre comme une bouche. Moi, je l'ai déjà vu. Bon, puis il était pas fermé. Je l'ai ramassé, je l'ai mis sur mon épaule. Il était pas zippé. Oh non! Alors, la caméra, la 7D a flyé avec l'objectif et l'objectif a cassé. En fait, une attache de l'objectif. Okay. Je suis sûr qu'avec quelque chose de meilleure qualité, ça ne serait pas arrivé. Il n'est pas tombé de si haut, mais bon, il a cassé tout de suite. Puis quand j'ai vu la pièce qui était brisée, quand je l'ai amené à mon réparateur, il m'a dit « Garde, c'est ça qui est brisé. » Bon, ça se collait. Fait que heureusement. J'ai sauvé. Bon. Donc c'est ça. Puis bonne nouvelle, cet objectif-là, on devrait l'avoir pour faire des tests d'ici quelques semaines. Je ne sais pas trop exactement quand. D'ici 3-4 épisodes, probablement, ou en tout cas dans ce coin-là. C'est ça, j'ai bien hâte de mettre la main dessus. Tu sais, c'est sûr que, bon, faut pas s'attendre à un objectif là, de qualité, la série L de Canon, par exemple. Mais d'après ce qu'il disait, pour le prix... Pour qu'est-ce que tu as, c'est assez surprenant. Surprenant. J'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Ouais. Puis évidemment, bon, pour ceux qui se posent la question, il y a des versions pour DSLR Canon et Nikon. Je sais pas s'il y en a pour les Sony, par contre. C'est quelque chose que je sais qu'il commence à en avoir un peu, mais je sais pas s'il y en a beaucoup. Puis bien entendu, ben c'est pas un objectif pour les 4 tiers. Et d'ailleurs... À ma connaissance, je pense qu'il y en a peut-être un ou deux que Sigma s'en vient, mais je sais pas. Il y en a un des manufacturiers qui avait commencé à en faire, mais je me rappelle pas lequel. OK. C'est ça, c'est ce que j'allais dire aussi. D'ailleurs, on a failli pouvoir tester la 35 mm 1.4, la fameuse 35 mm, mais il y avait seulement un exemplaire Nikon de disponible et ça n'a pas pu concorder avec notre test du Nikon D600. Donc, malheureusement, ben, regarde, puis je pense qu'en plus, la personne avait perdu. Ben, c'est ça que tu me disais, qu'il avait été perdu dans... Oui, et la personne n'a toujours pas de nouvelles d'ailleurs. Donc, il y a quelqu'un qui l'a aimé et qui continue de le tester. Parce que de toute façon, au pire des cas, j'y ai pensé à quelque chose. S'il faut, je peux peut-être m'arranger pour trouver une Nikon pour quelques jours. Fait que, bon. Surtout pour l'essayer, elle. Disons qu'elle me... Elle m'intéresse pas mal. Mm. Puis espérons, en tout cas, comme je disais, ben, t'sais, la première critique que j'ai lue est assez bonne. Espérons que Sigma continue sur cette lancée-là, puis nous sorte d'autres bons objectifs. Garde, plus il y a de compétition, mieux c'est. Tout le monde est gagnant là-dedans. Ben, peut-être moins les manufacturiers, mais le client, en tout cas, lui, est gagnant. Oui, oui, absolument. Si on parle de Sigma, Stéphane, t'en as une. En fait, t'as la même que moi. Ou plutôt, moi, j'ai la même que toi. C'est toi qui m'as parlé de l'objectif qui était en spécial à ce moment-là. Si c'est pas de la qualité de construction, à l'œil, franchement, là, il faut vraiment aller dans des tests très poussés pour voir une différence. J'ai une très vieille, parce qu'elle est vraiment pas neuve, que j'ai acheté une 24-70 F2.8. Bon, depuis, elle a quelques défauts, comme j'ai déjà parlé dans le passé. Au-dessus de 4, elle ne fonctionne plus. L'objectif se bloque, puis ça devient complètement noir. Mais à 2.8 et à 4, elle fonctionne encore. Honnêtement, oui, c'est vrai, pour ça que je l'ai acheté. Fait que, pas d'erreur. Oui. Mais s'il y a une chose sur laquelle je ne peux pas me plaindre, la qualité visuelle est assez surprenante. C'est même à 2.8, là, je dirais qu'elle est très, très nette. Fait que... c'est pour ça que je la traîne quand même encore. De temps en temps, ça dépanne, surtout quand il n'y a pas beaucoup de luminosité. Fait que ça peut toujours être utile, mais définitivement, comme tu dis, mais si tu regardes la qualité visuelle, puis sans vouloir être plate, l'objectif est pas beau. Vraiment, là, il n'y a pas d'autre mot, il est pas beau. Et tu regardes ça, puis ça a l'air du caoutchouc de mauvaise qualité. C'est vraiment étrange. Je vous l'amènerai. Vous l'avez jamais vu. Hein? Je vous l'amènerai à un moment donné. Non. Ouais. Sincèrement, vous allez vraiment faire tienne, comme... Ah oui, la tienne. Okay. C'est ça, parce que la mienne... Non, la vôtre est correcte. La vôtre est correcte. Je parle de la mienne, là. Okay. Je vous l'amènerai à un certain moment donné. Vous allez voir, c'est particulier comme design, là. Okay. C'est assez étrange. Ah, j'ai hâte de voir ça. Ou bien on fera une petite recherche sur Google pour avoir des images. Ah, ben parfait. Maintenant, on va aborder un petit sujet... qui est en fait le calcul de l'équivalence d'exposition, parce que vous savez que l'exposition, évidemment, c'est composé de la vitesse, de l'ouverture et de l'ISO. Donc, c'est ce qui permet de calculer l'exposition, de réaliser une certaine exposition. Et évidemment, il y a des équivalences, parce que quand on augmente un, on peut réduire l'autre et vice-versa. Et moi, j'ai trouvé un petit site, puis je mettrai le lien là, dans les notes, parce que c'est pas un lien facile à mémoriser. Là. Donc, mais c'est un site où on entre l'ouverture. Par exemple, si je mets F2.8 avec 100 ISO et une vitesse 1/125e, on peut même entrer la focale, donc 50 mm. On clique sur « Calculer ». C'est en anglais, donc « Calculate ». Et là, ça va nous donner justement les équivalences d'exposition. Donc, si on regarde après ça à F5.6... toujours à ISO 100. À quoi qu'il faudrait se placer. C'est ça. Okay. Donc là, on tomberait à 1/30e de seconde. Et puis, il y a une petite charte, là, un tableau qui nous donne... Je trouve ça le fun, moi. Oui. C'est intéressant. Ouais. C'est très intéressant. Pour le monde qui veut apprendre un petit peu plus à travailler manuel, ça peut être un outil très, très agréable à utiliser. Absolument. La seule chose à laquelle il faut faire attention, ou en fait, qui peut peut-être déranger certains, c'est qu'évidemment, en changeant l'ouverture, le F, ça change la profondeur de champ. C'est sûr. Donc, puis en augmentant trop l'ISO, disons après 800 pour certains appareils, ça peut créer du bruit. C'est sûr. Mais sinon, justement, comme tu sais, si Christian n'est pas capable d'aller à F5.6 avec son objectif, ben, il va à F4 puis il peut calculer sa vitesse puis son ISO d'une autre façon. Donc ça peut dépanner. Je serais curieux de savoir, c'est-tu un site qui est en flash ou... Non, c'est tout simplement des petits contrôles. Donc utilisable sur un téléphone cellulaire. Oui, absolument. Parce qu'en plus, c'est fait tout dans une colonne, donc pas très large. Ça pourrait très bien faire. Une application comme ça aussi sur téléphone cellulaire serait très commode. Oui, hein, c'est vrai. Ben, j'ai le fameux DOF Master, là, Depth mm-hmm. of Field Master, qui lui se trouve sur iPhone. En tout cas, je ne sais pas sur Android. Je pense qu'il y en a un équivalent. Sûrement. Mais celui-là, j'en ai pas remarqué effectivement pour du calcul d'équivalence d'exposition. On devrait faire la recherche pour le fun pour voir. Oui, oui. Mm. Mais bon, vous irez dans les notes et vous allez trouver le petit lien très utile. Ensuite, je vais vous parler d'une application qui va être très bientôt, ben, probablement qu'au moment de la mise en onde, en tout cas, à tout le moins, la version bêta va être disponible. La version finale suivra probablement sous peu. C'est l'application Friendstrip. Donc, vous pouvez aller voir le site friendstrip.com. C'est une application, ma foi, très, très amusante. Je ne sais pas si vous êtes allé voir. Écoute, sur mon fil d'actualité Facebook, je vois depuis peut-être une semaine une dizaine d'amis là, qui sont like Filmstrip oui. puis like Filmstrip. Ben, c'est que les premiers 10 000, évidemment, au moment de la mise en onde, ça sera plus valide, mais les premiers 10 000 fans obtiennent l'application et le contenu gratuit à vie. Okay. Donc, okay. Je vais vous expliquer quoi ça consiste. C'est qu'en fait, vous commandez un scénario et si jamais vous ne faites pas partie des 10 000 premiers, le premier scénario est gratuit pour essayer l'application. Et là, vous choisissez un scénario. En fait, c'est pour offrir quelque chose d'un peu hors du commun à quelqu'un, qui soit pour un mariage, pour des vacances, quelqu'un qui prend sa retraite, une naissance, des zombies, des lasers. un petit scénario à se bâtir soi-même. Ben, en fait, qui est déjà bâti okay. sous forme de BD. Okay. De bande dessinée. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans chacune des cases de la bande dessinée, vous allez pouvoir mettre une photo de votre crew. Okay. Et là, il y a des guides pour vous dire, vous avez besoin d'être trois personnes dans telle position ou assis sur un canapé. Et là, vous prenez la photo et ça s'insère automatiquement dans la case de la BD et vous construisez cette BD-là à mesure. Okay. Ouais, donc, c'est original. Tout à fait. Ben oui. Puis là, ben, à ce moment-là, par la suite, vous pouvez l'envoyer à la personne ou à la limite, peut-être qu'éventuellement, ça pourra se faire imprimer même. Là. Mais pour le moment, bon, ça reste virtuel. Mais ça peut être quelque chose quand même d'intéressant parce que ça pousse les gens à se réunir pour préparer le truc pour la personne en question. Mm-hmm. Donc, que ce soit des collègues de travail, des amis, des parents... Ça réunit les gens. Ah ben c'est le fun. Ouais, ça donne accès à ceux qui n'ont pas un processus créatif avant de pousser ou avancer. Ben tiens, regarde, on te donne la base. Oui. Voici ce que tu as à faire, puis tu vas avoir un petit produit le fun. Exactement. Ah. Donc, puis c'est fait à Montréal par des gens de la compagnie Photo Impress. Puis en français, le site, c'est livrephoto.ca. Donc, vous l'avez deviné, ils impriment des livres photos en ce moment. Je m'y attendais pas avec un nom comme ça, c'est surprenant. J'avais pas vu venir. Puis, éventuellement, ben, c'est ça, ce dont on me parlait, c'est qu'ils pensent peut-être un jour permettre d'imprimer cette fameuse photos. BD-là, donc ça pourrait être intéressant. Ils seraient fous de pas le faire, là, disons. Ben oui, ils ont l'infrastructure pour le faire. Ouais, et l'expérience. Il faudrait leur dire, je pense. Ouais. Je suis sûr qu'ils seraient contents d'avoir une suggestion. C'est ça. C'est des gens, des anciens du monde du jeu vidéo, des trucs comme ça, donc ils ont vraiment des idées là, aussi de scénarios là, poussés, puis vraiment éclatés. Hmm. Puis bon, évidemment, pour ceux qui n'auront pas la chance d'avoir l'application totalement gratuite, les scénarios à partir du deuxième vont coûter entre 99 sous et 1,99. Donc, c'est pas très cher, là. C'est très, très abordable. Écoute, ça coûte moins cher que d'acheter une carte à la pharmacie. Absolument. Une carte de... au drugstore, comme... De condoléances. Je sais pas s'ils vendent des cartes dans les drugstores en France. Hein. Ah, ça coûte peut-être moins cher que d'aller voir un film au cinéma. Absolument. Puis on peut le faire nous-mêmes. Oh, ouais. Hein? Donc, mettons... Mais bon, c'est à surveiller, friendstrip.com. Et évidemment, comme je disais, il y a une application Android et iOS en version bêta, en ce moment, en tout cas, au moment d'enregistrer, là, qui devrait faire son apparition au cours des prochains jours. Ensuite, on va passer à la critique du Nokia Lumia 920 par François, qui a eu la chance de tester ce... C'est un téléphone, en fait, mais on testait les capacités surtout de, oui, de l'appareil photo. Écoute, la chance, c'est pas peu dire, parce que je me suis trouvé très chanceux et très... comment je pourrais dire? Je suis honoré d'avoir pu tester cette caméra-là. Ah oui, à ce point-là? Ouais, ben, c'est que... C'est, moi, c'était ma première incursion dans le monde des téléphones avec Windows 8. Bon. Windows Phone 8. Oui, ouais, c'est ça. Donc, je prends ça, je l'allume, je regarde ça, je fais comme, OK, wow, l'OS est vraiment, mais vraiment différent d'Android, d'iPhone. Mm-hmm. C'est vraiment le fun. Mais je vais y revenir. Effectivement, c'est plus les capacités de caméra que je voulais regarder avec ça. Puis j'ai pas été déçu. Mais mm-hmm. vraiment pas. On a déjà parlé que le Lumia 920 avait un avantage assez net au niveau de la sensibilité. Ben, en regardant un peu c'était quoi comme appareil, ben, je me suis rendu compte, OK, c'est pas pour rien. Ils ont vraiment décidé d'y aller un peu plus fort de ce côté-là, Nokia. Il y a un autre appareil aussi, en lisant un petit peu sur le web, que j'ai vu qu'ils ont fait un appareil cellulaire photo aussi, Nokia 908, je pense. Ça vous dit-tu quelque chose, ça? Puis avec le Purview ou je sais pas. Écoute, mais c'était pas celui qui avait 30 quelques mégapixels? Oui, c'est ça. Ouais, mais qui, ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est 40. Puis 40 mégapixels. Il prend ça à 40, mais il transforme ta photo en 8 mégapixels en réalité. Mais c'est vraiment un capteur de 34 mégapixels, je pense. Quelque chose comme ça. C'est ça. Mais c'est plus ça pour dire que c'est pas son petit frère. Non. OK, le 920. Mais de toute façon, l'avez-vous déjà vu, une photo de cet appareil-là? Oui, je l'ai vu sur le web. Honnêtement, c'est horrible. L'objectif, le senseur et tout ça, c'est assez gros, là. C'est presque 2 cm d'épais sur le haut de l'appareil. Là. Ça paraît pas très. Le design est ordinaire. Là. Mais c'est quand même fort. Oui, oui. Il y a pas un appareil au monde qui fait ça. Non. Dans le, pas encore. Dans le commercial, je parle dans ce qui n'est pas professionnel, puis mm-hmm. de très haute qualité professionnelle. Là, 34 mégapixels. Mais il y a un Nikon qui est à 34 ou 36. 40, là. On a 36. Oui, mais combien le D800? Il est dans les 2000 quelques. Là. Ouais. tu peux mettre plus ça plus chaud. Ah oui, bon. Mais pour revenir au 920. J'ai pas la liste de prix devant les yeux. Non, ouais. Je pense que c'est 3000, 5000, 4000, quelque chose comme ça. OK. Pour revenir à l'appareil au Nokia Lumia 920 que j'ai testé, c'est dans le même esprit qu'ils ont décidé de faire la partie caméra, c'est-à-dire de faire un téléphone vraiment différent et meilleur que les autres. Ils ont réussi. Si on y va un petit peu avec les stats, c'est un appareil qui est sorti en novembre 2012. Ça fait déjà quelques mois qu'il est sur le marché. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit un peu là-dessus, puis c'est pas mal positif comme Les critiques en général sont bonnes. Curieusement, c'est difficile de l'acheter, cet appareil-là, si on n'a pas un contrat avec un fournisseur cellulaire. Ben ici, au Canada, c'est Rogers qui a l'exclusivité. Aux États-Unis, AT&T. Oui. Malheureusement. J'ai quand même réussi à trouver que c'était à $499 si on voulait se le procurer sans plan. Mais c'est pas évident. À 16 gigaoctets, j'imagine? Tu vois, j'ai pas cette info-là. Ça doit normalement. Probablement. Je pense que... Sinon, bon, à $99 pour 2 ans ou 3 ans selon ton fournisseur. Rogers dans notre cas. Oui, c'est ça. Si on y va du côté caméra, c'est un objectif qui ouvre à f2, un capteur 1 tiers, équivalence à 28 mm. Juste pour comparer avec un iPhone 4S, par exemple, c'est 37 mm sur un 4S. Donc, on a un petit peu plus de largeur dans ce capteur-là, ce qui n'est pas mauvais. Mm-hmm. L'ouverture, c'est un demi-stop de mieux que la compétition. Quand je dis la compétition, c'est tout ce qui se fait comme appareil photo dans les téléphones cellulaires. OK. Fait qu'il y a un avantage là. C'est pas pour rien. C'est parce que, comme je disais tantôt, ils ont vraiment décidé d'aller travailler de ce côté-là pour qu'il soit meilleur. Mm-hmm. Dans ses caractéristiques techniques, c'est un 8.7 mégapixels. Pourquoi le 0.7? Parce qu'il va chercher un peu plus large. Ah oui. Juste un petit peu plus large. La stabilisation, ça? Ou... La stabilisation, ça, c'est un autre point qui fait partie des points forts, selon moi, de cet appareil-là. C'est une stabilisation optique. Même, là, sur un téléphone portable, c'est impressionnant. C'est ça qui fait qu'il est plus sensible. Il va chercher jusqu'à 3 stops. Différence, c'est différent. À cause de la stabilisation optique. On l'a essayé. Tu avais ton Galaxy S3, j'avais mon iPhone. Ouais. Puis, on a essayé les 3, puis ça faisait une grosse différence. Ben, c'est ça qu'il est si sensible, c'est qu'il ne bouge pas. Fait qu'au lieu de compenser avec du bruit, en montant le ISO, il peut se permettre de garder le ISO bas dessus. Mm-hmm. C'est ça la différence. Parce que la majorité des téléphones cellulaires, dès qu'on monte ISO plus que 800, là, ouf! Tu peux le changer. C'est ce qu'il fait automatiquement, généralement, mais c'est que quand tu t'en rends compte, parce que t'es capable de voir les métadonnées, tu te rends compte, tu fais comme ouf! De 800, là. Ouais. Mais c'est ça. C'est pas long, hein? Ça change tout ça. On est vraiment en train de... Puis bon, il y a un bouton à deux stages, pareil comme sur un DSLR. Okay. Donc, on peut faire une demi-pression pour faire mise au point, puis de deuxième pour prendre sa photo. Ça, c'est super aussi. Mm-hmm. L'écran a un affichage de 1280 par 768 sur 4,5 pouces. C'est très bon. C'est très bon. Et puis aussi, on peut le recharger sans fil. La fameuse technologie wireless pour charger ses appareils. Par induction, comme? Exactement. Ouais, ouais. Pour 49,99, on a le chargeur. La bien, plaque. Moi, je n'avais pas ça. Moi... C'est un gadget. Le geek en moi trouve ça très cool. De charger une batterie sans aucun contact physique. Ouais. Moi, je trouve ça cool. Moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est le Palm Pre qui a pas du tout pogné, qu'on n'a à peu près pas entendu parler. Honnêtement, ça a fait un flop. Mais c'est un des premiers qui a commencé avec ça. Puis moi, j'avoue que la première fois que j'ai vu ça, je me rappelle avoir dit « Oh, j'en veux un. » Ben oui. J'en veux un. Ben, dans 10 ans, ça va être ta voiture électrique qui va se recharger comme ça aussi. Tout à fait. Donc, c'est un téléphone côté design. Je l'ai trouvé super beau. Pour ceux qui aiment les BlackBerry, c'est quelque chose qui pourrait quand même avoir une certaine similitude parce qu'il y a un look corporatif, je dirais. Mm-hmm. C'est pas un look super slick, super « wow, j'en veux un ». C'est plus un look classique. Plus sobre un peu. Oui, sobre, c'est le bon mot, je pense. Ouais. Beau, moi aussi, j'ai trouvé qu'il y avait une belle finition. Puis tout ça, mais pas éclatant. Mais ce qui n'est pas négatif, loin de non, là. C'est, là ça. Ouais. C'est « discret », entre guillemets. Tu sais, mm-hmm. Pour certaines personnes, peut-être ça va les moins aimer ça, mais moi aussi, moi je préfère ça. Non, c'est un très bel appareil. Oui, non, il est super beau. Le système d'exploitation, il est vraiment... moi, je dois dire que, OK, c'est mon coup de cœur du moment, le système Windows Phone. Mm-hmm. Je trouve ça vraiment beau. Honnêtement, moi aussi, j'aime beaucoup le système Windows Phone. Ça va-tu? Il manque d'applications. Parce que c'est son très moi, gros défaut. Moi, j'ai fait la critique du Nokia Lumia 620, son petit frère. C'est le seul défaut parce que... Ben, pas le seul. Mais c'est un gros défaut, malheureusement. Puis je sais que c'est pas de leur faute, là. Mais en même temps, quand ça suit pas, ben... Tu regardes les autres, puis tu fais comme... Ouais, mais j'ai toutes mes applications dans l'un. Tu veux changer, puis tu fais comme... Ouais, mais j'ai pas d'équivalence. Mm. C'est dur, là. C'est pas évident à faire le saut à cause de ça. Dans certains cas, il y en a, mais bon... Ça m'amène à vous dire les applications. J'ai regardé les applications qui étaient disponibles, tu sais... qu'on utilise quand même souvent, en tout cas les miennes. Mm-hmm. Par exemple, Dropbox, qui est une application de storage en ligne, c'est pas disponible encore sur Windows Phone. Non, parce que c'est SkyDrive qui est implanté et qui est aussi utilisé avec Office 365. Je pense que SkyDrive, il est encore meilleur techniquement que Dropbox, sauf qu'il est moins populaire. Ben, c'est ça. Ben, là, j'ai pas fait les comparatifs techniques. Je pense qu'il y a plus d'espace. Est-ce que SkyDrive, tu peux faire du partage entre personnes? Oui, absolument. Okay. Bon. Instagram, c'est pas disponible encore. Tout.tv, qui est quand même assez populaire ici au Québec. Pas disponible. YouTube, pas disponible non plus. Mmh. Ouais, mais tu peux aller sur le site à la limite. Tu peux aller sur le site, mais bon, une application, c'est quand même pratique. Oh, ouais. Certaines personnes, moi j'avoue que je préfère l'application que d'aller sur le site. Oh, moi, ça dépend des personnes. Là. Mais certains sites, ils ont une version mobile. Plus rapide aussi. Ouais, mais il y a beaucoup de sites qui ont une version mobile, puis ça revient presque au même. Ouais, l'interface est peut-être moins léchée un peu. Mais... Je sais, mais regarde, c'est étrange, hein, mais mettons exemple sur mon iPhone. J'ai Facebook, que je déteste l'application, mais je suis pas capable de me comment je pourrais dire? Conditionner. De me conditionner à l'utiliser sur l'application... Sur le site mobile. Exactement. Je suis incapable, et pourtant, je l'ai utilisé, puis ça fonctionne beaucoup mieux, mais ça donne rien. Ça va tellement plus vite, tu cliques dessus l'application, paf, tu l'as, merci, bonjour. Mm-hmm. Donc, pour les applications, c'est ça. C'est encore quelque chose, malgré le fait qu'ils sont rendus à 130 000 applications. Mm-hmm. Donc, ça s'en vient. Ouais. Est-ce que ça va vraiment devenir un téléphone qui va compétitionner avec Android puis iPhone? Il y a encore quand même un petit bout à faire. On va voir. Mm-hmm. C'est à surveiller, je dirais. Moi, je dirais que ça va dépendre de la prochaine version d'iOS. Ouais. Tout le monde, c'est drôle hein, comment tout le monde attend ça. Mm-hmm. Du côté de Android aussi, là, tout le monde se frotte les mains et se dit « Bon, à la date, ça va bien nos affaires. » On va voir. On va voir, oui. On va voir. Je peux dire que moi, en tout cas, surtout après l'avoir essayé, là, si la prochaine version d'iOS fait pas mon affaire, très fort possible que j'aille dans la direction de Windows Phone. Ben, ça serait pas étonnant parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font le Switch. Moi, perso, je l'ai fait. Quand j'ai vu que l'iPhone 5 sortait, j'ai regardé les spécifications, puis j'étais là, je l'ai pas besoin, non. J'ai pas un environnement à Mac à maison, il n'y a absolument rien qui me retient. C'est l'autre chose qui me retient aussi. Mm-hmm. Ah. OK, j'ai encore une couple de choses à dire sur ce téléphone-là. Si on regarde pourquoi c'est meilleur, ben j'en ai parlé tantôt, c'est la stabilisation. C'est vraiment du côté de l'intérieur. En fait, la faible lumière qui travaille bien. À l'extérieur, il n'est pas mieux qu'un autre téléphone. Il me rend pas mieux. C'est vraiment du côté... basse luminosité. La faible lumière à cause de la stabilisation. Dehors, oui, tu sais, il y a des certaines conditions qui font que le stabilisateur va t'aider. Mm-hmm. Mais si ton sujet bouge, il n'y a rien que tu peux faire pour ça. Là, honnêtement, en plein soleil, je connais pas grand appareil. Même, je me rappelle dans le temps, mon vieux Palm Centro là, qui était... pitoyable les photos, mais en plein soleil, c'est rare que tu n'es pas capable de prendre une bonne photo. Là. Ouais, c'est ça. La vitesse, tu montes à 1/500e et plus, là, il n'y a pas de. C'est ça, là. Il y a pas de problème. Le mode vidéo profite aussi du stabilisateur. C'est vraiment impressionnant ce qu'il réussit à faire, le stabilisateur en mode vidéo. 1080p. Puis c'est très, très, très stable. Il y a des algorithmes, certainement, de détection de fin de mouvement quand tu finis un panoramique ou quelque chose comme ça. Qui fait que, parce que c'est hyper smooth, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment beau. Mais ils avaient fait une gaffe au lancement du téléphone. Ouais. Hein? Ils avaient mis une vidéo sur Internet pour montrer à quel point c'était stable. Puis après avoir analysé la vidéo, les gens se sont rendus compte que c'était un caméraman assis dans un camion qui filmait avec une vraie caméra, un vrai caméscope. Oh. Puis en voyant la réflexion dans quelque chose, ils ont vu que c'était quelqu'un. Sur Internet, il y a des gens, des fois, qui sont capables de faire des analyses incroyables. Ah oui. Donc finalement, ils ont relancé une nouvelle vidéo différente qui montrait la véritable stabilisation. Qui était déjà quand même assez bonne. Mm-hmm. En tout cas, je ne sais pas pourquoi ils sont allés exagérer la stabilisation. Je veux dire, Parce qu'ils le font tous. Il aurait pu mettre la vraie stabilisation ou prendre un truc, mais la faire avec vraiment l'appareil, même s'il monte sur quelque chose pour le stabiliser un peu plus, pour tricher parce que tout le monde le fait, mais de prendre un autre appareil complètement différent que le téléphone. C'est incroyable. Il y a des petites fonctions le fun qu'il fait aussi que j'ai notées. Par exemple, il y a un logiciel, je ne sais pas si on pourrait dire que c'est un logiciel, mais dans le mode caméra, automatiquement, il va détecter les codes barres. C'est intégré dans le mode caméra. Mm-hmm. Donc, c'est un micro-logiciel dans le logiciel caméra. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu allais en parler, mais c'est génial avec l'application PhotoBeamer. L'as-tu essayé? Non, je ne l'ai pas essayé. Écoute, il faut que je fasse la parenthèse. Ouais. L'application PhotoBeamer sur Windows Phone 8, c'est génial. Il suffit d'aller de lancer PhotoBeamer, évidemment, d'aller dans ses albums photos. On choisit une photo. Et puis, là, on tombe en mode appareil photo, justement, pour scanner un code QR. Et là, si on veut l'envoyer sur notre téléviseur ou notre PC, évidemment, un téléviseur connecté à Internet, l'appareil du Nokia Lumia va scanner le code QR qui est à l'écran et notre photo va s'afficher automatiquement sur cet appareil-là. Ah oui. Et là, je l'ai fait avec mon PC. Aucune connexion Wi-Fi ou quoi que ce soit. Là, mon PC est connecté par Internet au site PhotoBeamer. Et là, l'appareil est allé connexion et afficher. Puis là, quand je glissais mon doigt pour changer de photo, la photo changeait sur mon écran. Ah, c'est génial. PhotoBeamer.com. Ah ouais. Ouais. Quand j'ai reçu l'appareil pour faire le test, c'était avec moi. Puis on a décidé de jouer un petit peu avec le premier soir. Je me rappelle, on était dans une petite soirée dans un bar qui était assez sombre puis tout ça. Puis déjà, on s'époustouflait de la qualité... sous faible éclairage. Mm-hmm. Puis là, on a remarqué qu'il y a tout le temps le flash qui allume pour faire le focus. Oui, sert de focus assist. La lampe d'assistance au focus. Ben, j'ai fouillé des menus, puis on peut l'éteindre. C'était pas un point négatif du tout. OK. Et ça fait quand même de bonnes photos en faible luminosité. Oui, c'est ça. Mais bon, il sert de la lumière LED pour aller faire une assistance au focus. Mmh. On peut quand même le faire sans, mais évidemment, c'est plus efficace avec. Par contre, quand tu es dans un environnement, un bar ou quelque chose, tu ne veux pas attirer l'attention. C'est parce que ça fait l'équivalent d'un flash quand tu c'est assez fort, c'est vraiment fort. Oh oui. Ouais. Quand on prend des photos en mode 16:9, ben c'est un vrai 16:9 parce qu'il y a plusieurs caméras qui font, c'est qu'ils vont rogner le haut puis le bas d'une image 4 tiers pour faire un faux 16-9. C'est alors, très fréquent. C'est pour ça que lui, il est à 28 mm le capteur aussi. C'est un vrai wide angle. Bon. Alors, c'est ça. Ça conclut pas mal ma critique sur l'appareil. Je voulais vraiment dire que l'expérience Windows 8 a été vraiment cool. Si c'était pas que j'avais un Android maintenant, j'y pense. Que tu viens juste de changer, d'ailleurs. Oui, ouais, le petit S3. Ouais. Ouais. Bon, ben, super, ça. Ouais. Et là-dessus, se conclut ce 25e épisode. Ben, merci, messieurs. Merci. Merci, Stéphane. Merci à vous, chers auditeurs, pour nous rejoindre, comme d'habitude, au numérique sur Twitter. Sur Facebook et Google+, vous cherchez Objectif Numérique. Évidemment, vous pouvez nous écrire à podcast@objectifnumérique.com. Merci, à la prochaine.